Le permis est fini, apprenti jeune conducteur. Je suis le boss, je roule à 200 à l'heure, rien ne me fait peur. Je tiens le volant à une main, je ne crains rien. La vitre ouverte, les cheveux au vent, je fais le malin. J'ai bien plus de style que tous ces imbéciles. Hostile, viril, dans ma voiture à toute allure, je file. La sono à fond, j'en vais profiter les piétons. Qui n'aime ou pas, ha, je m'en fiche bien de toute façon. Tu sais que je suis plus fort d'ailleurs. Ma perfection est telle qu'en me voyant dans la glace le matin, j'ai des frayeurs. Une telle perfection est-elle possible? Tu es le meilleur. C'est vrai, à peine j'arrive, je fais un malheur. Je sais que je dépasse, que ce que je peux y faire. J'ai pas ton père, j'ai pas ton frère, j'ai pas ta mère. Je ne perds pas un temps précieux à rouler lentement, jamais faire. Remarquez mon moteur, tonitruant. Je prends dans Vérali, en pilote hors pair j'allie. Vitesse et précision, ivre sans modération. Le moteur est trafiqué, j'arrête pas de doubler. Ma vision était doublée, mais je ne suis pas troublé. Pour ma concentration, juste de l'accélération. J'augmente la pression, sans jamais sentir aucune tension. Un pain installé, fin bourré, je démarre en trompe. C'est pas demain que je finirai dans une tombe. Alcool mon idole, vitesse ma vieille. Au volant de ma caisse, je ne montre aucune faiblesse. Alcool mon idole, vitesse ma vieille. Au volant de ma caisse, je ne montre aucune faiblesse. Alcool mon idole, vitesse ma vieille. Au volant de ma caisse, je ne montre aucune faiblesse. Alcool mon idole, vitesse ma vieille. Au volant de ma caisse, je ne montre aucune faiblesse. Yeah, yeah, shit, show, 1999. Ouais, ouais. La nouvelle année, je ne suis pas un animal. Que je fais allumer, j'évite le danger. Damné, condamné à rouler à vitesse limitée. En face de la route, j'ai fait ce qui me plaît. Mais que belle hurle, je maîtrise ma voiture. J'ai fait hurler les chevaux au fur et à mesure. J'accélère, je suis dans l'allégresse. Et mon plaisir augmente dès que je passe une vitesse. C'est grisant, je m'éclate et tu parles d'inconscience. T'as peine ton permis et déjà tu ramènes ta science. C'est moi le mieux, je vois ce que je veux. Je vais où je veux, à la vitesse que je veux. En fait, je fais ce que je veux. La bière comme meilleur ami, j'en vois et j'en abuse. En fin de soirée, je prends ma caisse et je fuse. Quand je suis allumé, c'est là que je monte ma vraie nature, j'assure. Je suis une bête à peine, j'en parle dans ma voiture. Observe l'homme au volant, impressionnant, épatant. J'hallucine, je suis trop puissant. Pas de ces conducteurs, ils roulent à 50 à l'heure. Ils se leurrent, ils sont raisonnables car ils ont peur. Mais peur de quoi? Peur d'un accident, d'un fou du volant. Ou encore d'un agent, ha, affligeant. Tu te crois protégé en évitant de commettre une faute. Mais de toute façon, les crashs n'arrivent toujours qu'aux autres. Alcool mon idole, vitesse ma vieille. Au volant de ma caisse, je ne montre aucune faiblesse. Alcool mon idole, vitesse ma vieille. Au volant de ma caisse, je ne montre aucune faiblesse. Alcool mon idole, vitesse ma vieille. Au volant de ma caisse, je ne montre aucune faiblesse. Alcool mon idole, vitesse ma vieille. Au volant de ma caisse, je ne montre aucune faiblesse. Je le sentais bien, j'ai été parfait à une vite fait. Tes bons potes m'avaient invité, j'suis net. Alors ils ont insisté pour que je passe. C'est normal, tu m'as vu. J'avoue que t'as trop la classe. J'arrive en trompe, j'ai le talent, j'ai pas quelques meufs. Ouais, match again, c'est vraiment un effet bluff. Que sois loin, un panneau indique alcool à volonté. Tu devines la suite facile, j'vais en profiter. La soirée terminée, déchirée, j'ai cherché mes clés. Démarre sexe sans même prendre la peine de m'attacher. Je pars comme une fusée, épanouie la paix dans l'âme. J'expose mon compteur, presse les conducteurs, je plane. Sans même une carte grise, la vitesse me grise. Je sens la brise et la torpeur incisive qui m'attise. Mais soudain, mes yeux éblouis aperçoivent des feux. C'est un simple poids lourd, tranquille, j'arrive droit sur lui et je. Thank you.